l'usage de son parfum, j'aurais pu la suivre des heures. Aujourd'hui elle me vole le mien, quel bonheur. Quelques fils d'argent viennent trahir l'insolence de ses cheveux noirs. Elle ne cherche plus à rajeunir, quel plaisir. Y'a moins d'efforts sur la longueur. Elle laisse aller sa vraie nature. Ça me bouleverse toujours quand elle pleure. Ça c'est sûr. La huitième merveille du monde. C'est une comtesse aux pieds nus. Une déesse tombée des nues. C'est toutes les femmes en une seule femme. La huitième merveille du monde. C'est une comtesse aux pieds nus. Une déesse tombée des nues. C'est toutes les femmes en une seule femme. Mais quelle femme. Cette femme. Des cinq étoiles s'ouvrir là. Porte dans les ambiances chaudes et feutrées. De nos caprices payer la note, j'ai aimé. Et puis tout envoyer valser les bonnes manières et le bitume. Courir les terres inachevées, quel parfum. Mais là où c'est merveille du monde. C'est une comtesse aux pieds nus. Une déesse tombée des nues. La puissance dans tout ce qu'elle sème. La huitième merveille du monde. C'est une comtesse aux pieds nus. Une déesse tombée des nues. La puissance dans tout ce qu'elle sème. Cette femme, c'est la mienne.